Sa jeunesse avait pourtant bien commencé, l'amitié et la confiance en ce temps-là existaient. Ils ne pensaient même pas qu'un jour cela s'arrêterait. Nous voyons guère le vrai comportement de ces amis. Je ne pardonnais, ne sachant pas les règles de la vie. C'est là que la confiance s'arrêta ici. Il a compris seul et pris tout seul son chemin. Lui du bon côté, surtout celui de l'être saint. Quant aux autres, ils tombèrent tous dans la voie de l'être sale. Celle qui t'aveugle, celle qui t'amène le mal. Les années qui ont suivi, il apprend soudainement qu'un ami très proche est mort. Pour les risques qu'il a pris, on n'y peut rien. Destin.